J'ai eu la flemme squatter les bancs du BTS après le bac pro. Les profs commencent à me sortir par le zèle, obligé de les mettre dans le zèle. Avec 17% de motivation, mon divorce avec l'éducation nationale irréversible. J'ai pas voulu le faire exprès, c'est mon laisser aller naturel. T'as voulu que je casse mes pics. Puis je suis tombé dans la classe ouvrière. J'ai un taf hellel, mais travailler c'est dur. Roseler c'est trop de la balle. Sur les chantiers, je suis motivé. 2 heures sur 8, négro, c'est l'esclavage. Mais faut bien survivre. À part la mienne, c'est la faute à personne. Cause à mon kiff pour le lycée, justifie ma classe sociale. C'est tellement plus simple de pédave, d'aller en boîte, d'abuser du sexe, composer mes textes. La trentaine approche, on dirait que j'y pense jamais. Non, j'kiffe ma vingtaine, à fond sa mère. Juste un bon vivant, un peu flemmard. Prends mes responsabilités contre l'eczéma. J'suis plus impressionné par l'Europe, la réussite dans le rap. J'suis nonchalant, j'me gratte les boules devant les minutes qui défilent. J'pense à mon pote, Colamac a perdu la vie, j'déconne. J'suis nonchalant, j'nique les obligations, pas les challenges. Le jour où j'chope la mère de mes gosses avec un bâtard sur mon sofa, j'les écorche tous les deux. J'fais pas confiance aux femmes, j'kiffe recevoir de l'amour, mais j'ai la flemme d'en donner. Peur de me faire baiser la gueule, vu que l'amour rend aveugle. Demande à mes ex, une fois que j'ai niqué, j'appelle moi. J'me casse pas la tête, d'égo y'en a tellement. Mon désespoir va m'envoyer vers les matons. Et chaque jour de l'an, me met des front kicks vers ma tombe. J'ai perdu ma niaque, à sous bégac, perd un pour moi. J'perds tous mes tafs à cause de mon esprit rebelle. Putain, c'est une torture de ouf, ma gueule. Quand mon réveil sonne à 5 du mat, tous les jours pour 1000 euros et quelques. Un coup, j'ai envie de tout retourner, un coup, j'attends que ça se passe. Je joue les matures, j'ignore ma montre, me presse pas. Faut que je dégraisse mes contraintes. C'est trop lourd, cousin. J'ai trop de mal à me sentir libre. Mon challenge, dans les contraintes, pas dans les challenges. J'reste dans les alentours, faut pèse avec mon talent. J'suis juste un bon vivant, un peu flemmard. J'prends mes responsabilités contre l'eczéma. J'suis plus impressionné par l'Europe, la réussite dans le rap. J'suis nonchalant, j'me gratte les boules devant les minutes qui défilent. J'pense à mon pote, Colamac a perdu la vie, j'déconne. J'suis nonchalant, j'nique les obligations, pas les challenges. J'suis nonchalant, j'suis nonchalant, j'suis nonchalant. J'suis juste un bon vivant, un peu flemmard. J'prends mes responsabilités contre l'eczéma. J'suis plus impressionné par l'Europe, la réussite dans le rap. J'suis nonchalant, j'me gratte les boules devant les minutes qui défilent. J'pense à mon pote, Colamac a perdu la vie, j'déconne. J'suis nonchalant, j'nique les obligations, pas les challenges.